assalaamu alaykum azuboy mo dikat de len nuyu ye ñep sen tour ak sen sante di len balu ak nak bal na len ak yan yalla le bal waaw di ñaan yalla wër di ñaan yalla katan di ñaan yalla am am di ñaan yalla mën mën bon bi nak spécial noël la ko tudé pourquoi spécial noël parce que xam ngeen bon déjà période noël lañ nek donc ku ci nek day defay achat et puis dafar sa bop dal manam bam bax bon bi nak ben couple won ben jeune couple la trentaine nek Sénégal affaire yoyu bon jabar ji nak dafa matérialiste won lol lol lol mom dal xel bi ay matériel rek mo ci nekkon quoi ñu tok un jour ma jëkë ji di santalé mu né chéri koko man dal xam nga luma bëgg man dal dama bëggoon ñu dem vacances Paris waaw préparer réveillon yi chéri bi wacce lunette yi quoi ne ko ah yow lool nga bëgg mais yow lool duñu boole parce que xam nga yow sama bébé nga yaay sama lune fune lo wax ma dagg chéri xam te yow sax et puis man dama bëgg xam bo génné ci mbédd bi ñu né wa mais jabaru abdou mom ah abdou mom franchement ku bax la dal day dafar jabaram ba bax après jëkë ji ne ko mais xam nga chéri lu ñuy def sax gis nga avant ñuy dem tol élysée avant ñuy dem champs-élysées difa 8 ay ñom perle ay ñom diamant ay ñom or dama bëggoon ñu dem ponti dama bëggoon ñu dem suñu tol local fi Sénégal xam nga ma dafar la ba bax comme ça bo démé Paris nga am no mel jabaji ne ko ah franchement nak ha dama la gëna bëgg bëggoon na la 10 wanti légui ni bëggoon na la bëgg na la 200 chéri koko ñu né ok bon samedi après-midi jot affaire yoyu bon couple bi dam restaurant lek bu bax lek sen dessert lu sa après bras dessus bras dessous di doxantu di xol vitrine bon tok ba si yag jabar ji gis ben vitrine nonou ben manteau bu nice en daim manteau bu nice la len wax ni quoi en daim manteau bu jaune nak tok ba si yag jabar ji bokotu quoi si jeuker di nako ouf chéri man dal dama sedd muneko mes chéri te gis nga manteau bu numu rafété ni en plus couleur jaune bi ni sama couleur préférée jeuker ji seug nonou quoi soumi lunette xol prix bi waye mu nek 675000 francs CFA xam jeuker ji ne ko ah yow chéri yow tamit damay defar bam bax yow tamit jeuker ji tourner gauche gisul dara tourner droite gis ben mère bu jaay mbok nako mère jox fofu 100 francs mbok waye sama jabar dafa bëgg lu tang té jaune